Heureux comme l'histoire fait un beau voyage, ou comme ce suilin qui coquille la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Comme la hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux, que des palais romains le front audacieux. Plus que le marmure me plaît la rose fine. Plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux, que de palais romains le front audacieux. Plus que le marmure me plaît la rose fine. Thank you.